C'est balèze ton truc là. Le batteur s'est arrêté. C'est quoi ce batteur? Attends, je remets le batteur. Attends. Pas carré. 1, 2, 3. Cat. Charge petite batterie. bosse là. Caler, il veut plus caler, c'est le bruit. 4.